Bon vin, je ne te puis laisser, je t'aime, amour donné. Anne, au revoir, je t'aime, amour donné. Souvent m'a fait la soif passer, bon vin, je ne te puis laisser, le soir, le matinée. Anne, au revoir, le soir, le matinée. Sous la table m'a fait coucher, maintes fois cette année. Anne, au revoir, maintes fois cette année. Et si ma feuille dormir ronfler, sous la table m'a fait coucher, toute nuit à nuitée. Anne, au revoir, toute nuit à nuitée. Et ma robe a de déjouer, chanter maintes journées. Anne, au revoir, chanter maintes journées. À la maison d'un tavernier, et ma robe a de déjouer, passer ma destinée. Anne, au revoir, passer ma destinée.